Eh bien, je m'appelle Daniel Bolduc. Bonsoir. Je vais faire une petite présentation de Daniel Kemp. Je pense que la plupart de vous, vous ne le connaissez pas, mais quand même, d'une fois à l'autre, vous allez en savoir un peu plus. Alors, Daniel Kemp, c'est d'abord le précurseur de ce que l'on appelle l'homme nouveau. C'est aussi, en termes statistiques, assez impressionnant, de 200 conférences depuis 3 ans, de toutes sortes de sujets. C'est aussi l'auteur d'un livre intitulé La différence, qui traite de l'homme ancien, l'homme transitif et l'homme nouveau. C'est aussi celui qui fait entendre différents points de vue, tellement différents justement, sur les différents sujets que la plupart sont surpris d'une part et par la suite ravis d'avoir entendu ces nouveaux points de vue. Alors Daniel Kemp, c'est aussi en résumé de l'inédit et encore de l'inédit. Pourquoi ce sujet de ce soir? C'est encore de répondre à de nombreuses questions qui viennent de l'extérieur la plupart du temps et aussi des gens qui fréquentent le centre régulièrement. C'est une réponse à l'urgence de beaucoup de personnes qui ne savent trouver des réponses satisfaisantes dans le cadre dit normal de l'extérieur. On ne peut plus répondre. Bref, allons au vif du sujet. Comment reconnaître un enfant nouveau? Accueillons Daniel Kemp. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, c'est une première conférence que l'on fait, disons, qui s'adresse exclusivement, plus ou moins, à des personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, de la pédagogie. On s'est adressé aux garderies parce que c'est sans doute là que débute l'éducation scolaire. Bien souvent, on ne va pas considérer le phénomène des garderies comme étant justement un endroit pédagogique pour l'enfant. Et on s'adresse évidemment aux professeurs. Lorsque j'ai fait une conférence sur l'enfant nouveau il y a quelque temps, la majorité des personnes qui ont assisté à la conférence n'avaient pas d'enfant. Lorsque l'on refait une conférence s'adressant plus spécifiquement à des personnes qui travaillent dans le domaine de l'enfance, bien, il y a une réponse qui est assez lente. Ça fait plusieurs fois que l'on s'adresse à des personnes qui travaillent dans la pédagogie, dans l'éducation, et presque continuellement, on se rend compte que les pédagogues, et quand j'emploie le mot pédagogue, comprenons immédiatement les techniciens, techniciennes en garderie, les professeurs, les directeurs d'école, les psychopédagogues, les spécialistes en enfance inadaptée, surdoués, enfin, tous ceux qui s'occupent, et évidemment, on pourrait même parler des parents lorsqu'on parle des pédagogues. Donc, les pédagogues, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils ont il y a une démarche qui est extrêmement essentielle à comprendre, c'est que pour éduquer un enfant, on doit éduquer l'éducateur. Et si l'éducateur est capable de s'auto-éduquer, ben évidemment, il devient un très bel éducateur pour l'enfant. Et normalement, les pédagogues ont une difficulté majeure. Je ne vise pas personne, mais c'est un fait dans la majorité des cas, que le pédagogue, normalement, va apprendre une certaine structure de pédagogie et il aura une difficulté majeure à l'adapter ou à la transformer ou à la déformer complètement si, à un moment donné, cette structure de pédagogie ne s'adapte pas à des enfants. Souvent, on va déformer l'enfant pour l'adapter à la structure pédagogique, alors que normalement, on devrait avoir des structures qui sont malléables de façon à ce qu'elles s'adaptent aux enfants. Ceux qui viennent pour la première fois, c'est peut-être bon d'expliquer un peu ce qu'est le centre de l'universalité et qu'est-ce que vient faire le phénomène de l'enfant nouveau, de l'homme nouveau et de l'homme ancien. Premièrement, évidemment, il y a un décor ici qui est un décor qui permet de faire certaines choses au niveau des conférences, c'est-à-dire que c'est peut-être plus agréable qu'un sous-sol d'église ou qu'un gymnase d'école. Ce qu'il faut comprendre, c'est il y a des peintures ici qui représentent des choses. Certaines personnes peuvent penser que le phénomène de l'enfant nouveau est un phénomène spirituel. Ce n'est pas un phénomène spirituel, c'est un phénomène psychologique. C'est un phénomène socio-psychologique. C'est un phénomène socio-psycho-mutatif. Alors, juste pour expliquer un peu les choses, ce que représentent ces peintures ici, pour les personnes, peut-être pour sécuriser un peu les gens, ce sont simplement des hommages que le fondateur du centre a voulu faire à ceux qui avaient transformé l'humanité au cours des temps. Alors, on a Moïse qui est là-bas, qui est le père de des religions monothéistes. Ceux qui connaissent un peu l'histoire savent qu'à un moment donné, Moïse a fusionné les religions polythéistes de l'époque pour en faire la première religion monothéiste. On a Pythagore qui est le père de la mathématique moderne. Alors, en tant que pédagogue, on connaît un peu. On a le Nazaréen qui est le personnage qui a créé la plus grande religion sur la planète. J'avoue qu'on l'a aidé un peu. Michel de Nostradamus, Nostradamus, qui est celui qui a le plus perturbé la conscience de notre époque ou la conscience des gens par ses centuries, ses prophéties. Est-ce qu'elles vont se réaliser? On ne le sait pas, mais je suis certaine, c'est que les gens en parlent. On a le comte de Saint-Germain, qui est celui qui a inventé la majorité de tout ce que les dames et les femmes se servent comme maquillage, comprenant les teintures pour cheveux, les ongles, les fossiles, etc. Et il a donc, évidemment, créé l'une des plus grandes industries sur la planète, ainsi que la majorité du décorum, disons, de la gente féminine, et de plus en plus masculine. On a Paracelse, qui est le père de la chimie moderne. À l'époque, il était un alchimiste, mais c'est un des premiers qui a commencé, disons, à cartésianiser le phénomène de la chimie. On a Platon, le père de la philosophie, de la morale. On a Salomon, l'un des plus grands rois que la Terre a porté. Et on a Hermès Trismégis, le père de la médecine moderne. Après ce petit retour dans les temps passés, on va parler de l'enfant nouveau et de l'enfant ancien. Il faut premièrement comprendre que la terminologie enfant nouveau est une terminologie de concept. C'est-à-dire que ce sont des mots qui servent à communiquer des idées. Alors, on ne doit jamais se servir du terme enfant nouveau ou enfant ancien dans un système pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas cataloguer un enfant. Bon, toi, t'es un enfant nouveau. Toi, t'es un enfant ancien. Parce que l'enfant est assez rapidement chez l'enfant ancien comme chez l'enfant transitif, comme chez l'homme ancien et l'homme transitif. Quand je parle d'homme, on parle de femme. Ça devient rapidement une marque de snobisme de l'évolution, un snobisme de l'orgueil, un snobisme spirituel, un snobisme de surhomme. Étant donné que la majorité du système est un système compétitif, alors évidemment, lorsqu'on parle d'enfant nouveau, c'est plaisant, et lorsqu'on parle d'enfant ancien, c'est peut-être un peu moins plaisant. Il y a beaucoup de parents qui souvent viennent me voir parce qu'ils veulent savoir si leur enfant est un enfant nouveau. Et j'ai dit souvent que si c'est un enfant nouveau, pauvre toi. Si c'est un enfant ancien, la vie est belle. Mais les parents, évidemment, s'enorgueillissent d'avoir des enfants nouveaux. L'enfant nouveau, ce n'est pas une qualité, c'est un état de choses. L'enfant ancien, ce n'est pas un défaut, c'est un état de choses. Comme l'homme nouveau, comme l'homme ancien. Pourrais-tu parler justement de cet état de choses? Tu disais tout à l'heure que c'était aussi une mutation, mais ça se ça apparaît au niveau de la transmutation génétique. Bon. Alors, on va parler un peu de l'enfant ancien, globalement, et de l'enfant nouveau, de façon à ce que vous puissiez déjà, sans doute, reconnaître que ceux avec qui vous travaillez sont... Certains ont des caractères tout à fait nouveaux. On va, évidemment, comme dans tout phénomène psychologique, on va mettre un paramètre ici, l'enfant nouveau, on va mettre un paramètre là, l'enfant ancien, et il y a celui qui a des particules de l'enfant nouveau, des particules de l'enfant ancien, celui qui est là et qui fait des rechutes, celui qui est là et qui grimpe là, ce qu'on appelle l'enfant transitif. C'est le même phénomène pour l'adulte. Pour que l'éducateur puisse travailler avec des enfants anciens, il doit déjà lui-même être quelqu'un qui peut travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il doit s'auto-travailler, parce que sinon il aura un problème. Le problème qu'il va vivre surtout, c'est sûr que la personne qui commence, ça va bien, elle est encore relativement jeune au niveau de sa structure pédagogique, mais si elle enseigne pendant 10-15 ans sans jamais se corriger, s'auto-enseigner, s'adapter, s'ajuster, à un moment donné, les enfants qu'elle aura dans la classe seront des enfants de 1990 et elle les éduquera comme des enfants de 1975. Ce qui n'est pas le même genre ce n'est pas le même genre d'enfant, ce n'est pas le même genre d'approche qu'on devrait avoir. Alors, il y a évidemment dans les classes, dans les garderies, des enfants qui ont une structure de ce qu'on peut appeler l'enfant transitif. L'enfant ancien est un enfant qui va vivre sa crise d'identité en même temps que son identité sexuelle. C'est-à-dire qu'il va vivre les deux crises de l'adolescence d'une façon conjointe, la crise de l'adolescence psychologique et évidemment la mutation corporelle pour donner l'adulte, donc l'apparition des caractères sexuels secondaires. L'enfant ancien, donc, vers l'âge de disons 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, va vivre et sa crise d'adaptation psychologique, son individualité, là où il découvre que les adultes sont en fin de compte que des humains, et en même temps, sa crise de représentation et d'identification au niveau corporel. L'enfant nouveau va vivre sa crise d'identité psychologique vers l'âge de 6, 7, 8 ans, peut-être un petit peu avant, et sa crise, sa puberté, vers l'âge conventionnel biologique, et cet âge sera de plus en plus, disons, devancé. Mais il va la vivre quand même, pour l'instant, vers l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, dépendant des enfants et dépendant, évidemment, des sexes. La femme, la fille, ayant encore un peu d'avance sur le mâle. Donc, il y a déjà un caractère assez intéressant à constater déjà là, et c'est pourquoi les garderies, ça devient important, c'est que l'enfant ancien va suivre une phénoménologie éducative, disons, mutative, psychologique et physique, qui est standardisée, que l'on connaît un peu, avec certaines phases de l'évolution, certains stages ou stades. Et à un moment donné, il va commencer à devenir, à se transformer au niveau de son caractère psychologique. Parce qu'il y a une transformation au niveau du caractère endocrinien, ce qui va engendrer la transformation au niveau des caractères sexuels. Donc, l'enfant rentre dans la puberté et dans l'adolescence. Cette adolescence porte un nom intéressant en psychologie, la crise de l'adolescence. Donc, on sait très bien que ça devient souvent un drame interne pour l'enfant. L'enfant ancien va commencer à vouloir être lui. Il aura ses idées propres, il aura ses propres désirs, il commencera à définir ses goûts vers la puberté, vers l'adolescence. L'enfant nouveau, lui, vers l'âge de 6 ans, ça peut commencer à 5 ans, à 4 ans, vers l'âge de, disons, 6, 7, 8 ans, va déjà commencer à vouloir être autonome. Il va déjà commencer à vouloir être identifié. Il voudra qu'on le respecte autant qu'on lui demande du respect, ce que l'enfant ancien va commencer à demander vers l'adolescence. L'enfant nouveau va être plus autonome, ce que l'enfant ancien va commencer à faire pendant la puberté, pendant l'adolescence. Donc, il y a déjà une distinction fondamentale entre ces deux phénomènes et on ne peut donc plus, à partir de cette constatation, travailler avec l'enfant nouveau comme on travaille avec l'enfant ancien. Lorsqu'un enfant de 6 ans ou de 4 ans répond à ses parents « Je vais faire le ménage de ma chambre quand tu feras le tien », ben évidemment, on va s'illusionner que cet enfant est anormal. Il est anormal, il est naturel. Il n'est pas normalisable, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore assujettissable à l'éducation collective des enfants normaux, ce qu'on appelle normal. Cet enfant, on va à un moment donné, bon, les exemples, je connais de plus en plus de personnes qui ont des enfants nouveaux. Alors, dernièrement, il y a un enfant qui jouait avec quelque chose dans sa chambre et puis ça faisait du bruit. Sa mère lui demande d'arrêter. L'enfant je crois qu'il a 7 ans. Et puis, lorsqu'il arrête de jouer, son père rentre dans la chambre et il prend un boulot. Il pensait que l'enfant jouait avec et il casse le boulot. Alors, le père se retourne. L'enfant, il a 6-7 ans. Il lui saute carrément sur le dos. Il l'engueule. Il lui dit « Pourquoi? Parce que l'enfant voit une injustice. C'est pas avec ça qu'il jouait. » L'enfant ancien n'agira jamais comme ça. Alors, il dit même que son père, il aimerait que son père meure. Puis quand il va mourir, il broyera même pas. Et 6 ou 7 ans. Un des caractères fondamentaux de l'enfant nouveau, c'est que pour l'homme ancien, pour l'homme transitif, pour donc la majorité des humains, c'est qu'il a l'air d'un enfant absolument sans cœur. Il n'est pas sans cœur. Mais si on veut le malléabiliser, le manipuler de façon à ce qu'il rejoigne l'enfant normal, l'enfant ancien, et ce n'est pas un défaut d'être un enfant ancien, ce n'est pas un défaut d'être un enfant nouveau. Si on veut l'éduquer comme un enfant ancien, on aura toutes les misères du monde. Et dans le meilleur des cas, l'enfant se suicide. Bon, dans le pire des cas, l'enfant reste en vie. Il peut envoyer des professeurs au suicide. Il peut envoyer des professeurs en dépression. Il peut devenir un danger pour la société, un danger pour les autres jeunes. Il peut tuer. Il peut faire plusieurs choses. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, ce qui peut être surprenant, c'est lorsque l'on parle d'enfant nouveau ou d'enfant du Verseau, parce qu'à un moment donné, zodiacalement parlant, on pénètre dans une autre constellation. Ce n'est pas spirituel, c'est un phénomène astrologique et astronomique. Lorsque l'on parle d'enfant du Verseau, d'enfant nouveau, la majorité des personnes qui vivent émotivement leur éducation ou leur évolution, ou des spiritualistes, vont évidemment dire, ben l'enfant du Verseau est un être plus évolué. Ben effectivement. Mais est-ce qu'un être plus évolué veut nécessairement dire un être qui va en correspondance avec nos désirs émotifs de l'être évolué? Lorsqu'un enfant de 6 ans est plus évolué, cela veut dire qu'il va voir plus vite les choses que l'enfant ancien. Oui, mais est-ce qu'il a une structure psychologique, une expérience de vie, vu qu'il le voit plus rapidement, suffisamment consistante pour être capable de supporter sa vision? Pas nécessairement. L'enfant ancien découvre à un moment donné de sa vie, pendant l'adolescence, qui peut se terminer vers 21, 22, 23 ans, dépendant évidemment des enfants. On parle d'adolescence au niveau sexuel comme psychologique. L'enfant ancien va découvrir à un moment donné qu'il est manipulé. Et c'est un mot qui va finir par le hanter. Manipulation. L'enfant va donc, l'adolescent va donc se diriger vers tout ce qui est phénomène de liberté. Elle peut être alcoolique, elle peut être médicamenteuse, elle peut être reliée aux drogues, elle peut être musicale, hein, le Walkman, la musique. Elle peut être d'une panoplie de formes d'expression. L'enfant nouveau, lui, découvre qu'il est manipulé vers l'âge de 4 ans, 5 ans. Il va le conscientiser réellement vers 6 ans, 7 ans, 8 ans, dépendant encore une fois des biologies des enfants, de leur corps physique, de leur corps neuronique. Lorsqu'un enfant découvre qu'il est manipulé, alors il voudra évidemment mettre fin à cette manipulation. Ou il voudra manipuler. Mais l'enfant nouveau, vers l'âge de 3 semaines, 4 semaines, commence déjà à manipuler l'extérieur. Et étant donné que la majorité des adultes, donc des pédagogues, sont des êtres qui sont émotivement reliés aux enfants, normalement, ces enfants-là vont devenir des manipulateurs absolument terribles. Alors l'enfant, lui, va découvrir qu'il est manipulé à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on lui dit « fais le ménage de ta chambre ». Alors l'enfant demande, l'enfant nouveau demande pourquoi. Alors on lui répond, parce que je veux plus voir ta chambre comme ça. Mais l'enfant nouveau comprend immédiatement que c'est elle, la personne, qui ne veut pas voir la chambre comme ça. Alors, logiquement, intelligemment, elle n'a qu'à faire le ménage. L'enfant ancien, lui, va réagir si on le menace. L'enfant nouveau va réagir aussi si on le menace. L'enfant ancien va se plier sous la menace. L'enfant nouveau va se révolter sous la menace. L'enfant ancien va réagir à ceci. Oui, mais ça ferait plaisir à maman, ça ferait plaisir au professeur, ça ferait plaisir à la gardienne. L'enfant nouveau, lui, sait très bien que le bonheur d'un humain doit être dans les mains de l'humain. Ça te ferait plaisir? Ça me regarde pas. Alors, on va penser que l'enfant nouveau est sans cœur. L'enfant nouveau est capable de comprendre l'écologie des choses si on daigne bien lui expliquer. L'enfant ancien ne pourra peut-être pas la comprendre. Il pourra peut-être aussi, ça dépend de l'éducation qu'il aura. L'enfant nouveau va faire le ménage de sa chambre s'il en comprend l'intelligence. Sinon, comptez pas sur lui. Même s'il a 6 ans, ou 5 ans, ou 4 ans. L'enfant nouveau va faire le ménage de sa chambre s'il a un maudit gâteau en retour. C'est-à-dire que s'il va donc, il va se rendre compte qu'il peut manipuler les pédagogues en leur donnant certaines carottes, en faisant comme s'il était le bon enfant, et ça beaucoup plus précocement que l'enfant ancien. On sait que l'enfant ancien a aussi une tendance à manipuler l'adulte. Sauf que l'enfant ancien ne s'en rend pas compte. L'enfant nouveau, lui, le découvre. Et lorsqu'il le sait, l'enfant nouveau va être capable de regarder un pédagogue dans les deux yeux et le regarder pendant une heure de temps. L'enfant ancien ne peut pas faire ça. L'enfant nouveau sait que ça manipule. Alors l'enfant nouveau va être capable de sortir des mots absolument exquis pour détruire n'importe quel homme ancien, femme ancienne, et pour abîmer ou altérer suffisamment une personne transitive. L'enfant ancien n'y arrivera pas, très rarement. Donc, on a affaire, lorsqu'on s'adresse à un enfant nouveau, à quelqu'un qui, effectivement, est plus, si on veut prendre le terme, évolué, amélioré, plus adulte rapidement que l'enfant ancien. Lorsqu'on a un adulte dans un corps d'enfant, réglé par un système endocrinien d'enfant, donc l'adulte dans l'enfant, ne peut pas agir comme un adulte, mais ne peut plus agir comme un enfant. C'est l'enfant nouveau. Lorsque le pédagogue rencontre un enfant nouveau, il va lui mettre la main dans les cheveux. Il y a de fortes possibilités que l'enfant nouveau lui gratte la bedaine ou lui tire, bon, qu'il lui remette l'appareil. Lorsque un enfant nouveau se fait insulter, vous pouvez être certain de manger aussi des insultes. Lorsqu'un enfant nouveau ne comprend pas l'intelligence de ce qu'on lui demande de faire, il ne le fera habituellement pas, sauf s'il y a un intérêt manipulateur de son côté. Si on l'oblige à le faire, on peut être sûr d'avoir de gros problèmes avec. Et ça ne regarde pas l'âge. Dans la majorité des cas, le psychologue va, ou le psychiatre va suggérer des médicaments pour tendre à normaliser l'enfant. Un enfant nouveau semble hyperactif, mais il ne souffre pas d'hyperactivité physique. C'est une hyperactivité mutative ou maturative qui apparaît parce que le cadre dans lequel il peut s'exprimer n'est pas adapté à lui. Alors évidemment, il devient hyperactif. Il a de l'énergie, il a de la vie. On ne peut pas lui demander de se tranquilliser tout de suite. Sauf que tout le cadre de Bebel dans lequel il se trouve, ou le cadre scolaire dans lequel il se trouve, est un cadre dans lequel lui ne peut pas s'exprimer. L'enfant ancien va y parvenir. Savez-vous comment on distrait un enfant ancien? On lui met des petites choses, des jouets, prenons l'exemple des garderies. On lui met des jouets, disons, qui vont développer son cortex associatif, mettre un triangle dans un trou triangulaire, mettre une sphère dans un trou sphérique. On va lui donner des casse-têtes, on va lui donner de la peinture. On va lui donner des choses qui sont un petit peu en avant de ce qu'il peut faire. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à l'enfant ancien de se développer. Et normalement, l'hyperactif, normal, hein, pas un hyperactif, disons pathologique, va trouver suffisamment d'expression pour commencer à s'amuser. Et s'il y a des personnes qui ont froid, vous avez juste à le dire et puis on va éteindre la climatisation. D'ailleurs, je pense qu'il fait un petit peu froid, fait que peut-être qu'on peut éteindre la climatisation. Bon. Une chose intéressante chez l'enfant nouveau, c'est que s'il y a froid, il dit. S'il y a chaud, il dit. Et il faudrait aussi que les humains agissent comme ça. Ils vont pas travailler avec les enfants, c'est plus intéressant. Bon. L'enfant nouveau, lui, n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il se fout d'être normal, d'être comme tout le monde. Alors, ce qui fait que lui, s'il a quelque chose, il va le dire. La personne qui, donc, donne un système, disons, de pédagogie à un enfant ancien va donner des jouets, des choses qui obligent l'enfant à surmonter. Alors, ça devient une espèce de phénomène intéressant pour l'enfant où il découvre, bon, dans l'aide, il découvre ses mains, il découvre qu'il peut prendre. À un moment donné, il découvre qu'il peut associer. Il découvre qu'il peut construire un petit casse-tête. Il découvre qu'il peut dessiner. Bon, évidemment, sa vision psychologique de la réalité n'est pas la même, ce qui fait que lorsqu'il voit un paysage, il le transcrit d'une façon, disons, atroce pour l'adulte, mais lui, il trouve que c'est pareil. Et on demande à l'enfant ancien de devancer. Donc, on lui donne des petites choses à aller chercher. On prend un enfant nouveau, qui évidemment est en avance à ce niveau-là sur l'enfant ancien, et on lui donne le même cadre. Il va être absolument hyperactif. Lui donner des médicaments, c'est forcer, ça serait un peu comme si on voulait tuer quelque chose de bien. Parce que ce quelque chose de bien cadre mal dans la structure qu'on a établie. Cadrant mal, elle nous fait du mal et on détruit ce qui... Et justement, ce cadre-là, on l'associe souvent à la standardisation de l'éducation. On standardise à peu près tout, à peu près à tous les niveaux. On essaie de mesurer des choses puis de l'appliquer à tout être. Alors bon. Que l'individu nouveau ne peut plus fonctionner dans un cadre comme ça. Bon, ça, c'est un point relativement intéressant qu'on doit de toute façon aborder. Premièrement, c'est sûr qu'on a une standardisation de la pédagogie et on va dire c'est normal, on n'a quand même pas le temps de s'occuper de chacun des enfants en particulier. Alors, imaginez-vous le drame. Si déjà on dit que c'est normal parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de chaque enfant en particulier, ben évidemment, au niveau social, on crée de gros problèmes parce qu'on engendre déjà des adultes qui seront d'une façon hyper collective et qui auront toujours besoin d'une standardisation sociale pour pouvoir fonctionner parce qu'ils ne seront jamais capables de se prendre en main parce que jamais on n'aura pris le temps de leur dire qu'ils pourraient le faire. Mais évidemment, on va dire oui, mais j'ai une classe de 20 élèves, je ne peux pas. Vous savez que le meilleur chef d'armée, le meilleur général, le meilleur, que ce soit Churchill, que ce soit Eisenhower, que ce soit ceux qu'on a déjà connus à un moment donné, leur faculté était de traverser une troupe de 3000 hommes, de juste la traverser en avant et de s'en aller. Et chacun des 3000 hommes était convaincu que pendant un millième de seconde, le général les avait regardés personnellement. On a une classe de 20 élèves, mais dans une journée où on a une garderie avec, je ne sais pas moi, 7 ou 8 enfants peut-être par technicien, j'ai aucune idée. Mais combien de temps est-ce qu'on peut réellement se dire qu'effectivement il y a eu pendant cette journée ou pendant cette classe un laps de temps suffisamment long où le pédagogue a pris le temps d'avoir une communication parfaite avec l'enfant? On s'illusionne toujours que c'est une heure ou deux que l'enfant a besoin. Ça dépend de la qualité de la communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est un être qui est quand même relativement grégaire. Donc, il vit en troupeau. On appelle ça une société parce qu'on est trop orgueilleux, mais c'est le même phénomène. Bon. Et ça, les sociétés de l'homme ancien sont construites de façon à ce que l'enfant, au niveau de sa pédagogie, ait continuellement toujours besoin du reste, de l'ensemble. Ce besoin, on va l'instruire en lui disant qu'il doit respecter, il doit avoir du respect. Mais, évidemment, ce respect doit être mérité. Et dans la tête de l'enfant ancien, le respect, il va le donner s'il a des punitions. Dans la tête de l'enfant nouveau, le respect, il va le donner s'il y a respect à donner. Alors, on a des théorèmes, par exemple. Je dis souvent que À un moment donné, on a un des commandements d'une des grandes religions de la planète qui dit que tu honoreras ton père et ta mère. L'enfant ancien va dire pourquoi. Les parents anciens vont répondre parce que c'est comme ça, tu nous dois respect. L'enfant ancien, ben pendant un bout de temps, ça va pas nier. L'enfant nouveau, lui, va carrément répondre. Si on lui dit tu dois honorer ton père et ta mère, l'enfant nouveau va répondre oui, s'ils sont honorables. Alors, évidemment, on rentre carrément, encore une fois, dans une autre structure de pédagogie. Le phénomène intéressant, c'est qu'on a les deux à être en même temps dans les mêmes classes, dans les mêmes garderies. Standardiser, c'est une chose. Sauf que, on ne doit pas standardiser. La vraie raison pourquoi on standardise, ce n'est pas que ça prendrait trop de temps de communiquer avec chacun des élèves. C'est faux. On a trop de matière à donner. Je pense que chaque éducateur, chaque professeur sait très bien que d'année en année, la matière est diluée. Parce que moi, ce que j'apprenais en secondaire 1, ils l'apprennent en secondaire 4. Ce que j'apprenais en sixième année, ils l'apprennent maintenant au secondaire, et etc. Alors, je veux dire, je pense pas que... Maintenant, on va dire, justement, on a ce genre de raisons. Parce qu'il faut comprendre que l'éducateur, évidemment, est un être humain. Et ce n'est pas un défaut d'être un être humain. Même si souvent, l'humain se dit que, ouais, mais on est humain, après tout, on peut pas être parfait. Bon, ça, c'est l'excuse qu'il veut se donner. L'être humain est un être qui a de l'ego. Cet égo s'exprime, se protège et s'exprime sous forme d'orgueil. Une panoplie d'orgueil. Lorsque l'éducateur, on lui dit « tu devrais communiquer plus proche avec tes enfants », ben on va donner des raisons. Et la standardisation est la raison majeure qui permet aux professeurs, aux techniciens, aux pédagogues de supporter leur manque d'évolution. Quand je parle d'évolution, je ne parle pas d'évolution spirituelle. On parle d'une évolution. Il y a l'évolution darwinienne, l'évolution adaptative des animaux. Il y a l'évolution améliorative de l'humain. On parle donc d'amélioration. Lorsque l'humain se dit « oui, mais j'ai pas le temps », on peut tout renverser le phénomène et juste poser la question. Est-ce que le pédagogue est vivant? Est-ce que le pédagogue est un être humain qui vit? L'enfant est un être vivant. Le pédagogue est souvent un être mémoriel, un être qui se cache derrière sa structure pédagogique, derrière ce qu'on lui a enseigné, et qui finalement, lorsqu'il a suffisamment de transition chez lui, va se cacher derrière la structure de l'école ou de la garderie. C'est-à-dire que moi, je veux bien le faire. Bon, à un moment donné, on prend des photos. Alors, il y a le photographe qui est là, puis le professeur vient avec sa classe, et puis là, on vient prendre une photo, puis le professeur, ben, il met deux oreilles derrière un élève. Fait que toute la classe part à rire, puis la photo, elle est apparemment manquée. Enfin, moi, je trouve qu'elle réussit, mais enfin, elle est manquée. Alors, on reprend une deuxième photo, les élèves se calment un peu, puis la photo, là, elle a réussi. La classe suivante qui passe, ben, ils ont vu faire l'autre classe. Fait qu'évidemment, tous les élèves commencent à se faire des oreilles. Tu sais, on parle d'élémentaire. Et là, le professeur de cette classe-là, qui tout le monde fait des oreilles, ben, il va voir l'autre professeur qui est parti le bal, puis lui dit carrément que c'est de sa faute si ça arrive. Alors, l'autre qui est vivant, ben, finit par se dire, je peux pas être vivant dans mon école parce que la structure pédagogique, la structure scolaire me l'interdit. Ce qu'elle aurait dû répondre à l'autre professeur, c'est que c'est drôle, mais moi, je l'ai fait, ils ont tout ri. Quand je leur ai demandé de se calmer pour prendre l'autre photo, je leur ai expliqué pourquoi, puis ils l'ont fait. Pourquoi t'arrives pas à leur expliquer, toi? Alors, c'est un gros problème. J'ai enseigné pour la ville de Montréal-Nord, pour Ville d'Anjou, pour Pointe-aux-Trembles. J'enseignais un art martial, le judo, et j'appelais ça judo pédagogique. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de nos structures. Et effectivement, j'ai rencontré souvent des pédagogues qui venaient me voir et qui me disaient que ça n'a aucun sens de la façon dont j'enseignais. Sauf que mes élèves, mes classes grandissaient. On ouvrait de temps en temps de nouvelles écoles. On rajoutait des heures de cours. Et puis, souvent, on dit que le judo, il fallait aussi que les élèves apprennent à aller en compétition. Bon, je leur enseignais pas à aller en compétition. Par contre, en compétition, ben, les élèves avaient de très bons résultats. Sauf que nos classes étaient heureuses. Alors, il y a tout un phénomène qu'il faut, on parle de standardisation. La standardisation permet à un être humain fatigué de pouvoir enseigner sans que ça paraisse trop qu'il est fatigué. Ça permet à un être humain déprimé de pouvoir enseigner sans que ça paraisse trop qu'il est déprimé. Ça permet à un être humain, disons, tanné, un être humain qui a des problèmes humains de pouvoir enseigner sans que ça paraisse. Mais surtout, c'est que ça sécurise cet humain-là. Ben, évidemment, vu que ça paraît pas. Sauf que l'enfant, quand il y a un problème, on le voit, parce que l'enfant se cache pas. Sauf évidemment si on le refoule continuellement, c'est-à-dire que à chaque fois que l'enfant a un problème, un enfant qui vient vous voir un jour puis qui vous demande est-ce que Dieu existe. Imaginez-vous que la pédagogie n'a rien à voir avec la spiritualité. Sauf que ces phénomènes-là doivent être abordés en pédagogie. Et l'humain ne se donne pas l'autorisation parce que les parents ne donnent pas l'autorisation aux pédagogues. Je suis mormon, alors je vais dire oui. Puis évidemment, là, c'est pas de la pédagogie, ça. Ça, c'est de la manipulation. Je suis chrétien, je suis témoin de Jéhovah, je suis Krishna. Alors, évidemment, Ce n'est pas de la pédagogie. On doit s'arranger pour que l'enfant puisse suivre son cheminement. Mais souvent, le pédagogue, premièrement, la société lui donne un mandat relativement limité et qui est de plus en plus limité. Limité pourquoi? Parce qu'on le limite parce que la majorité du mandat, normalement, beaucoup d'éducateurs, de pédagogues n'arrivent pas à l'accomplir. Alors, on le limite. En plus, les parents finissent par ne plus vouloir que certains mandats soient accomplis. Alors, on le limite. Mais les parents n'accomplissent pas plus leur mandat. Alors, on a l'enfant ancien qui arrive à supporter ce phénomène, qui arrive à dire, bon, ben moi, je traverse pas la rue sans regarder. Alors, on demande à l'enfant ancien, pourquoi? Ben parce que ma mère veut pas, parce que mon père veut pas, parce que le pédagogue veut pas, parce que je vais me faire chicaner. Et si on demande à l'enfant nouveau, pourquoi tu regardes avant de traverser la rue? Ben il va répondre, ben maudit niaiseux, pas me faire frapper. Il y a une nuance majeure. Et vous allez de plus en plus rencontrer de ce genre d'enfants qui paraissent sans cœur, qui paraissent hyperactifs, qui paraissent individuels. On va faire une conférence de toute façon à un moment donné sur savoir éduquer un enfant nouveau. Et là, évidemment, il y aura plus de personnes impliquées dans la pédagogie, dans l'éducation. On va donc y aller, disons, d'une façon peut-être plus structurée au niveau de l'éducation. Mais la première chose à faire, c'est que ces enfants-là, on doit leur donner des raisons intelligentes. J'ai fait cette conférence dernièrement, conférence régulière, conférence du vendredi, et c'était un professeur qui m'interviewait. Première question, j'ai demandé au professeur, je lui ai dit, donne-moi une raison intelligente pour un enfant d'aller à l'école. Il a cherché. Il a ri. Et s'il peut donner un paquet de raisons qu'il a appris, mais je parle d'une raison intelligente. La raison intelligente qu'on va normalement donner, ça va être, ben oui, mais il faut que tu prépares ton avenir. L'enfant est un être vivant qui veut vivre l'instantanéité. Alors, je disais à cette conférence que la majorité de nos structures éducationnelles faisaient en sorte qu'on passe notre jeunesse à préparer notre vieillesse et on passe notre vieillesse à regretter notre jeunesse. Et c'est un fait. Alors, il y a des raisons intelligentes d'aller à l'école, c'est évident. Mais est-ce qu'on est capable d'en donner? Mais est-ce qu'on va en donner à l'enfant? Cours de géographie. Bon, l'Afghanistan, c'est ici. Mais l'enfant nouveau, là, l'Afghanistan, là, quand il va vouloir voyager, il va s'organiser pour savoir où ce que c'est. Pour l'instant, c'est pas intéressant. Il va jouer du crayon, il va s'ennuyer, il va niaiser, il va tout faire, mais puis si le professeur le chicane, on va aller de mal en pire. Il y a une raison intelligente, j'imagine, à ce que l'humain fait. Mais est-ce que l'humain peut en parler de ses raisons intelligentes? On prend l'enfant puis on l'éduque à faire de l'éducation physique. Alors, on met des ballons, on met des cerceaux, on met des coussins, on met des trucs pour jouer, on donne des petites feuilles avec des dessins dessus, et puis là, l'enfant joue. Puis en jouant, ben, il fait de l'éducation physique. On met de la compétition, on sait que l'enfant a un petit peu d'orgueil, d'égo, fait qu'on fait des petites courses, on fait des petites choses. C'est correct. Puis à un moment donné, ben, l'enfant, il finit par assimiler que jouer, c'est le conditionnement physique. Puis rendu secondaire, ben l'enfant commence par vouloir arrêter de jouer. Et il arrête aussi de faire du conditionnement physique. Et quand il devient adulte, ben il joue plus. Est-ce qu'il en fait encore l'éducation physique? Ben non. Alors pourquoi qu'on n'a pas dit à un moment donné à l'enfant qu'il avait une intelligence au conditionnement physique? Si tu veux jouer, ben il y a moyen de faire du conditionnement physique, puis de jouer, de mettre deux choses ensemble. Mais le conditionnement physique, c'est pas un jeu. C'est parce qu'il y a une raison intelligente d'entretenir son corps physique. Lorsque l'enfant veut plus jouer, il sait que le corps physique reste important. Il va continuer à faire de l'éducation physique. Un autre exemple, on prend l'enfant ancien et on lui dit toujours, ça souvent les pédagogues le font, peut-être pas en garderie ou à l'école. À l'école, ils mangent pas là. En garderie, ben évidemment, les parents payent pour qu'ils bouffent. Alors peut-être que ça fonctionne pas, mais à la maison, ça marche encore souvent. Bon, t'es tannant, t'auras pas de dessert. Il arrive quoi? Il arrive qu'on éduque l'enfant que quand toute la bouffe est pleine, le bonheur est là. Alors, on éduque l'enfant que la nourriture n'est pas quelque chose d'intelligent pour alimenter le corps, mais que la nourriture est une récompense. Et on a des adultes, à un moment donné, qui mangent. Soit pour se remonter le moral. Parce que quand tu manges, ben, tout va bien. C'est une programmation psychologique. Qui mange pour passer le temps, qui mange pour se désennuyer, qui mange psychologiquement. En fin de compte, on a une société qui nourrit son corps psychologique, mais qui nourrit pas son corps physique. L'enfant ancien, lui, va finir par passer là-dedans. Mais c'est pas long que l'enfant nouveau va carrément répondre, mais ton dessert, j'en veux pas. Vous allez remarquer de plus en plus, et les enfants nouveaux, ils de plus en plus, transparaissent, que la majorité du système punitif conventionnel n'a pas de prise sur eux. Et qu'est-ce que l'éducateur fait dans ce temps-là? Il panique. Et qu'est-ce qu'un enfant nouveau fait devant un éducateur qui panique? Il part à rire. Alors, qu'est-ce que l'éducateur va faire avec un enfant nouveau et un enfant ancien en même temps? On devrait, premièrement, si on veut travailler avec des enfants nouveaux, cela veut dire qu'on doit intelligencer la pédagogie, savoir pourquoi on éduque. La garderie, est-ce que c'est exclusivement là pour garder les enfants? On pourrait mettre dans les cages. Bon. La garderie, évidemment, elle a une structure sociale intelligente. Elle permet aux parents de travailler, de se reposer. Un ou l'autre, parce qu'on peut faire garder des enfants aussi pour se reposer. Mais étant donné que dans la garderie, l'enfant va passer une partie de sa vie, il devient donc intéressant socialement, humainement, de faire en sorte que la garderie devienne quelque chose, non pas seulement juste de plaisant pour l'enfant, mais quelque chose d'instructif, de pédagogique. Alors évidemment, les techniciens en garderie, ainsi que les propriétaires de garderie, devraient s'arranger déjà là pour qu'il y ait une certaine forme de pédagogie dans la garderie. Disons que au niveau de marketing, ça devient intéressant. Évidemment, ça fait une très bonne promotion pour la garderie. Donc, au niveau des affaires, c'est intelligent de le faire. C'est une raison. Deuxièmement, il y a une raison aussi, c'est que les éducateurs vont commencer à aimer travailler là. Et les enfants vont aimer vivre avec les adultes. On sait, l'enfant nouveau sait très bien, c'est pas long qu'il sait très bien que quand il est passé une garderie, c'est parce qu'on se débarrasse de lui quelque part. Ici, on dit oui, c'est parce que maman et papa sont partis travailler. Ouais, travailler. Ils peuvent travailler à la maison. Ils peuvent comprendre l'intelligence du travail. Il faut leur expliquer. De quelle façon on doit fonctionner en garderie comme dans toute la structure pédagogique qui va suivre? Donc, l'école élémentaire, l'école secondaire, le cégep qui peut-être un jour va disparaître et l'université. Toute la fonction doit être faite en fonction d'une pédagogie qui fait appel à l'immédiat terme, au court terme, au moyen terme et au long terme. La majorité de la structure pédagogique de nos sociétés est basée sur le long terme. En premier. Ensuite, au moyen terme. Ensuite, au court terme et à peu près jamais dans l'immédiat terme. Quand est-ce que la structure pédagogique s'attaque à l'immédiat terme? Quand l'enfant va voir un psychologue, un orienteur, un pédagogue spécialisé. Autrement dit, quand l'enfant arrive plus à vivre dans le court terme, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même différé dans le temps, ben là, on dit que l'enfant a un problème et c'est là qu'on s'occupe de son immédiat terme. Et on devrait tout reformer la structure pédagogique à partir de l'immédiat terme, ensuite le court terme, ensuite le moyen terme et finalement, si on a le temps, le long terme. Vous savez qu'un être humain qui n'a pas appris tout ce qu'on enseigne dans les écoles, mais qui a appris à vivre, qui a appris à arriver en retard sans se faire pincer, qui a appris à copier sans que ça paraisse, qui a appris à avoir des notes d'examen qu'il ne mérite pas, qui a appris une panoplie de choses comme ça, souvent finit par être un de ceux qui va faire fonctionner le plus la société. Parce qu'à un moment donné, quand il trouvera intelligent de trouver un job, il s'organisera pour aller se vendre. Il va compter des menteries, il va rentrer, il va être à la hauteur de ses menteries, puis il va fonctionner. Tandis que celui qui apprend tout, normalement l'enfant ancien va faire cela, il apprend tout au complet. Quand il sort, ben là maintenant, il faut qu'il réapprenne de quoi de neuf. C'est plus comment ça marche. Il n'a pas appris. On arrive quelque part pour lui dire, ouais, j'ai pas besoin de ça. Il n'a pas appris à répondre. Il n'a pas appris à pousser à des portes. Il n'a pas appris à s'habiller pour rentrer. Il n'a pas appris à ben pas quelque chose. Les médias termes, c'est ça. Alors on va dire, oui, mais les médias termes, c'est compliqué à instruire. Non. Un enfant nouveau-né, il est déjà instruisable par les médias termes. L'enfant a quelques mois et il pleure toujours. Chaque fois qu'il pleure, l'enfant manipule évidemment. Chaque fois qu'il pleure, le pédagogue, ça peut être le parent, se sent pris et va voir. Il peut être pris de deux façons. D'une façon émotive, ce qu'on appelle l'amour, et d'une façon, disons, orgueilleuse, t'es écœuré de l'entendre broyer. Et il réagit. Sauf que chaque fois qu'un enfant pleure et qu'on réagit, on instruit, on programme l'enfant à pleurer pour avoir une résultante de l'extérieur. On en fait un enfant broyeur. L'enfant nouveau va broyer en masse. J'ai un enfant qui a 5 ans, qui est assis dans la table de la cuisine et qui, à un moment donné, lâche un immense cri. Là, il entend la mère puis sa sœur qui arrive en courant. Là. Les deux arrivent terrorisés en avant puis ils les regardent. C'est un bon cri, hein? Ben oui, là, il expérimentait encore. D'ailleurs, c'est lui qui a sauté sur le dos de son père. Il est rendu à 6-7 ans. C'est un enfant nouveau. Alors, on va dire, c'est quoi ça? Le moindrement qu'on évolue dans une spiritualité un petit peu trop haute, hein, pas assez terrestrifié, pas assez grandé, ben on va penser qu'il est peut-être possédé. Un enfant qui est seulement à l'incarné. Non, c'est l'intelligence incarnée. Puis de l'intelligence, ça ne peut plus fonctionner avec des « fais-le parce que ça me fait plaisir, fais-le parce qu'il faut le faire. » Oui, mais c'est pas normal de faire ça. Ça marche pas comme ça. Alors donc, on a l'immédiat terme et on a tout le reste au complet. Mais ça, on va revenir dans la conférence sur l'éducation. L'enfant nouveau lui-même, il faut donc, on va biologiquement ou génétiquement en parler un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une théorie. On va dire, alors comment ça se fait que les pédagogues n'en parlent pas, que les psychologues ne sont pas les premiers à l'avoir détecté? On étudie encore les animaux pour comprendre l'homme. On étudie encore l'enfant d'aujourd'hui à partir de ce qu'on a écrit sur l'enfant dans le passé. Et chaque fois qu'un pédagogue finit par dire « il y a quelque chose de neuf », on lui demande s'il y a au moins un doctorat. Commence à en parler de ça. Dernièrement, j'ai regardé un article dans une revue qui est assez populaire au Québec, et c'était « la psychiatrie, quelque chose dans le genre, n'arrive pas à comprendre ses enfants... » Les enfants comment? Incassables, c'est en plein ça. Mais la psychiatrie peut pas comprendre les enfants incassables. Elle essaie de les comprendre à partir des enfants cassables. C'est quoi un enfant incassable? C'est en plein ça. Tu vas faire ça! Bûche! Coupe-moi les mains! Tape! Ferais pas ça. Ils sont pas cassés. Et ces enfants-là, souvent, on a au Québec de plus, on est dans la région planétaire où il y a le plus d'enfants nouveaux, c'est le Québec. Okay? C'est peut-être extrêmement frustrant pour les êtres médiocres du Québec. Bon, mais à un moment donné, c'est quelque part sur la planète qui se passe quelque chose, ben là, c'est le Québec. Bon. Et on a de plus en plus de suicides infantiles au Québec. On sait, dernièrement, des sondages qui sont sortis que la deuxième cause de mortalité chez les enfants en bas de 15 ans était le suicide, et chez les enfants en bas de 21 ans était aussi le suicide, et que ça s'en allait vers, ça allait devenir la première cause de mortalité chez nos enfants. Alors, évidemment, on va dire, pourquoi? Il y a un enfant de 9 ans qui se pend parce que sa mère lui coupe la télévision. C'est un enfant nouveau. L'enfant ancien est comme l'homme ancien. Il veut vivre même si on le torture parce qu'il a plus peur de la mort que de vivre les tortures qu'il connaît. L'enfant nouveau, lui, n'a pas peur de la mort. Alors, si la vie n'est pas adéquatement intéressante pour lui, alors il se suicide. L'enfant nouveau a une faculté d'intelligence différente de l'homme ancien et de l'enfant ancien. Quand je parle d'homme, je parle de femme. L'enfant nouveau, lui, où il a cette avance, c'est qu'il est capable de décortiquer la relation psychologique qu'il vit avec les autres. Ce que l'homme ancien ne fait pas normalement et ce que l'enfant ancien n'arrive pas à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'instantanément, lorsqu'il rencontre quelqu'un, il découvre ses cordes sensibles pour le manipuler. Et il découvre une panoplie de choses. Un jour, le professeur rentre tout souriant, puis l'enfant va lui dire « Bon, c'est encore chicané que ça va là. » Si la professeure l'entend dire, souvent, ce sont des femmes qui enseignent encore à l'élémentaire, la professeure, l'institutrice va lui dire « Ben voyons donc, qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as plus de bleu dans la face que normalement. » C'est maquillé plus. Il y a une expression psychologique qui fait que les adultes et les personnes anciennes l'expriment. Mais l'enfant nouveau, lui, le décode ça. Et il va être suffisamment instantané pour toujours répondre clairement. Ce qui, normalement, désarçonne complètement les pédagogues. Alors, on va continuellement essayer de travailler avec l'enfant nouveau, l'enfant incassable, dans un terme psychiatrique. Et on va dire pourquoi que moi, par exemple, Daniel Kim en parle le premier. Il faut comprendre une chose, c'est que si on n'a pas trop d'instructions dans un domaine et qu'on vit dans le domaine, on a plus de chances de comprendre le domaine tel qu'il est présentement. Tandis que si on arrive avec toute une structure qui devrait nous permettre de comprendre le domaine, de fortes chances qu'on n'arrive pas à comprendre le domaine. On va dire à l'enfant, normalement, un enfant, quand tu lui fais peur, tu peux le traumatiser, sa psychologie n'est pas assez forte pour supporter le trouble, disons, pour résister à la peur, à la contrainte et surtout à la culpabilité. Oui, normalement. L'enfant nouveau vit sa phase de maturation psychologique, l'adolescence psychologique, à 6, 7 ou 8 ans. Alors, il a suffisamment maintenant de substances pour résister à ses contraintes. Il ne peut donc pas être pédagogisé ou éduqué de la même façon que l'enfant ancien. Alors, on va essayer de culpabiliser l'enfant nouveau. Bon. Alors, la bonne femme, Quand je dis bonne femme, c'est une femme qui est bonne. Bon, vous comprenez les termes comme ils sont. La bonne femme. Elle a son panier à linchal et puis elle demande à son fils de 10 ans de descendre de linchal à côté de la laveuse dans le sous-sol. L'enfant est en train de jouer avec des quelque chose. Normalement, l'enfant nouveau à l'âge de 10 ans va jouer avec un ordinateur. Et il va jouer donc avec des choses. Et il va dire, ouais, pas de suite quand j'aurai fini. Évidemment, la mère sait très bien que quand il va avoir fini, il risque carrément d'oublier. Parce que lui, pour lui, il n'y a pas d'intelligence. Enfin, il n'y a pas d'utilité écologique. Enfin, il n'est jamais expliqué que le linge fallait qu'il soit lavé. Lui, il n'a pas besoin de laver le linge. Elle, elle lave le linge. Fait qu'il se passe pas tête. Alors, la mère va dire, bon, ben, c'est ça. Après ça, si un jour j'ai des problèmes dans le dos, on saura sa faute de qui. Puis là, descend jusqu'en bas. L'enfant ancien peut être manipulé par ce genre d'éducation culpabilisatrice. L'enfant nouveau, c'est ça, qu'est-ce qu'on se dos? Alors, regarde. Lui, il bougera pas. Donc, effectivement, les enfants incassables, ben oui, les enfants nouveaux, ça existe. La science commence à en parler, mais elle ne peut pas l'expliquer parce qu'elle essaie toujours d'expliquer ces choses à partir des choses anciennes. Justement, un des caractères qu'on lui donne souvent, c'est qu'il est un individualiste. Il n'est pas du tout assujettissable à la collectivité de quelque façon que ce soit. Bon, ce phénomène est intéressant pour la simple raison que lorsque je parle de l'homme nouveau, je dis que l'homme nouveau a une conscience tout à fait individuelle, mais il n'est pas individualiste. Une nuance majeure. L'homme nouveau comprend l'intelligence du travail en société ou du travail collectif. Sauf qu'il n'a pas besoin de l'opinion d'autrui. Donc, il ne regarde pas les sondages pour savoir pour qui il va voter. Ce que l'homme ancien va faire souvent. Bon, l'homme ancien est assez orgueilleux qui veut gagner. Fait qu'il va voter pour les chiffres. Bon. L'enfant nouveau est individualiste pour la simple raison que tout le cadre dans lequel on le force à être placé est un cadre qui n'est pas le sien. Individualiste aussi parce qu'il se rend compte qu'il peut manipuler et qu'il n'a réellement aucune relation à son niveau avec personne. Alors, il va, à un moment donné, refuser tout contact avec l'extérieur sans en être nécessairement malheureux. Et ça encore, c'est assez traumatisant pour le pédagogue, normalement, de voir que l'enfant est dans son coin, qui fait rien, mais qui n'a pas l'air à s'ennuyer. Bon, un enfant qui a des problèmes mentaux peut vivre comme ça. Alors, évidemment, on va vouloir le présenter à des spécialistes. Ces spécialistes-là, ben, vont évidemment essayer d'avoir des solutions, des raisons. Et normalement, on va normaliser l'enfant et on va lui trouver des problèmes qu'il n'a pas. L'enfant nouveau ne s'ennuie pas. Évidemment, on a une nuance. C'est toujours que tout à l'heure, j'expliquais qu'on a aussi l'enfant transitif, qui peut donc avoir une partie nouvelle, une partie ancienne. L'enfant ancien s'ennuie. Pourquoi? Parce que l'enfant ancien, lui, apprend instantanément, immédiatement, il accepte facilement la pédagogie qu'il assujettit à tout le monde. Alors, les parents sont partis 2 semaines de temps, ben l'enfant ancien s'ennuie. Pourquoi? Parce qu'il a appris que dans l'amour, il fallait souffrir. Donc, si t'aimes tes parents, c'est normal que tu t'ennuies. Fait qu'ennuie-toi. Lorsque les parents arrivent et que c'est un enfant nouveau, ils vont lui dire « Puis, t'es ennuyé. » L'enfant nouveau va répondre « Non. » Et les parents, encore une fois, vont avoir l'impression que leurs enfants ne les aiment pas. L'enfant nouveau vit d'un amour intelligent. L'enfant ancien vit de l'amour sélectif, psychologique, un amour souffrant comme l'homme ancien. Et les éducateurs, normalement, sont assujettis à cet amour sélectif. J'aime ça, j'aime pas ça. Bon, l'enfant nouveau, lui, tu demande, t'aimes-tu ça? Ouais, t'aimes ça? Ouais. Bon. Mais y a-tu quelque chose que t'aimes plus? Non. C'est l'amour intelligent. Ôte-moi ça, ça va, prends-les. Il va être capable de s'autogérer. Sauf que l'enfant nouveau est un enfant qui vit, qui passe par les mêmes phases structurales de maturation de l'homme ancien. Sauf qu'il va devancer ses phases d'expression. Donc, l'enfant nouveau va être exactement comme un enfant ancien à la naissance. Biologiquement, non. Et ça, on va en reparler un petit peu. Mais biologiquement, non. Il va évoluer plus rapidement, mais il va quand même passer par toutes les phases. Un enfant nouveau peut pleurer, comme un enfant ancien. Un enfant nouveau va vivre le même genre de problématiques psychologiques. Un enfant nouveau va développer un plan mental plus rapidement, mais il aura des phases normales. Un enfant nouveau peut devenir agressif, peut devenir tout ce que l'homme ancien fait, mais il le fera mieux. Si un enfant nouveau devient un tueur, il va être dur à trouver. Si un enfant nouveau vend de la drogue, il va en vendre de la drogue. Si un enfant ancien devient un tueur, notre système de limier d'aujourd'hui pourra peut-être facilement l'annihiler. Un enfant nouveau va devenir autre chose. Donc, l'enfant nouveau va faire tout ce que l'être humain fait, mais il va le faire mieux. D'où l'importance d'une éducation très, très, très basique, rapidement. L'enfant nouveau, donc, va vivre la même phénoménologie évolutive, améliorative, que l'enfant ancien, mais il aura des phases plus rapides sur certains plans. Donc, il faut comprendre que l'enfant nouveau, si on l'instruit au plus vite à quelque chose qui devrait servir de base dans n'importe quel système pédagogique, si on l'instruit au plus rapidement, au plus sacrant, dans le terme québécois, de l'intelligence d'un cadre écologique et de l'absolue réalité d'existence d'un cadre écologique. L'enfant nouveau va comprendre cette mécanicité. Et la majorité des adultes ne la comprennent déjà pas. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre écologique? Ben, si vous retournez travailler et vous commencez déjà à enligner un cadre écologique dans la structure où vous travaillez, et si vous commencez déjà à instruire les enfants de l'intelligence d'un cadre écologique, vous allez être capable de récupérer tous les enfants anciens. Et vous allez évidemment accoler à vous tous les enfants nouveaux et tous les enfants transitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre écologique? Ben, l'enfant, il se lève à un moment donné, il prend un pot de gouache bleue, puis ça, il tente de mettre ça à terre, il met ça à terre. Et là, le pédagogue, tant beau maudit, là, il se met à crier, et puis là, il l'engueule un peu. Ça se fait pas, ça, on fait pas ça, ça regarde ça, là, bon. Chez l'enfant ancien, ça peut marcher. Chez l'enfant nouveau, non. Parce qu'à un moment donné, il étudie. Et ça, c'est une chose extrêmement intéressante de constater. Et un autre traumatisme pour le pédagogue, c'est que l'enfant nouveau étudie les autres. C'est assez traumatisant. L'enfant nouveau va, à l'élémentaire, étudier les professeurs comme ses collègues, les autres élèves. En classe prématernelle, en classe maternelle, en garderie, ça peut, le même phénomène va transparaître assez rapidement. Qu'est-ce que j'entends par étudier? C'est que vous êtes en train de faire quelque chose, puis il vous regarde. Vous mangez, il vous regarde. Vous n'échappez, il vous regarde, puis il rit. Mais lui ne le fait pas comme un enfant ancien. Et lui, il est en train d'analyser. Il est en train d'étudier le professeur, le pédagogue. L'enfant ancien va regarder, va rire, mais ça n'aura pas la même portée psychologique chez lui. L'enfant ancien ne se servira pas de ses quelques observations pour vous manipuler. L'enfant nouveau est en train de vous décoder comme un ordinateur le ferait. Et ça traumatise assez bien les pédagogues qui normalement vont vouloir distraire l'enfant ou vont carrément le punir ou vont tout faire, vont se virer de bord, vont changer. Lui, il sait qu'est-ce qui vient de se passer dans la psychologie du pédagogue. Et il saura s'en servir si à un moment donné la relation entre le pédagogue et l'enfant n'est pas convenable pour l'enfant. Il saura s'en servir. Donc, il analyse. Le cadre écologique pour l'enfant, ben, c'est évident que si on intelligencie la pédagogie au niveau de l'enfant nouveau, et ça, faut bien faire attention, quel que soit l'âge. Alors, on ne peut pas dire, à 3 ans, ils comprennent. Non, non. On voit et on s'ajuste et on s'adapte à un enfant. Intelligencier le cadre pédagogique, cela veut simplement dire que l'enfant doit comprendre qu'il est dans un monde où, nécessairement, ce qu'il va faire va laisser une trace à l'extérieur et que ce qu'il pourra faire sera paramétré par tout ce que l'extérieur fait. C'est ça, un cadre écologique, un écosystème. La terminologie qu'on va employer pour l'enfant dépend du pédagogue et de l'enfant. Mais c'est sine qua non que l'enfant nouveau, pour qu'on commence à avoir de la facilité avec, commence à aimer ça, travailler avec les enfants, c'est sine qua non, donc c'est essentiel que cet enfant-là comprenne que mettre de l'eau à terre, ce n'est pas écologique. Pourquoi? Pour la scène, pas parce que c'est laid, pas parce que les autres vont le faire, pas parce que l'enfant nouveau n'est pas collectif. Les autres vont le faire, ben c'est qu'ils le fassent. Là, tout le monde est en rang, sauf toi. Non, l'enfant nouveau n'est pas collectif. Y a-t-il une raison d'être en rang? Il posera pas toujours la question, parce que s'il y a jamais de réponse du pédagogue, il vous posera pas de questions. Mais s'il y a des réponses, il va en poser des questions. Et c'est là que ça crée un autre traumatisme, c'est que les questions qu'il va poser devront obligatoirement obliger le pédagogue à se reformer. Alors, ça devient compliqué, assez qu'on pourrait dire, pourquoi c'est inventé, ça? Les enfants nouveaux. Ça n'a pas été inventé, c'est un phénomène qui est génétique. Il y a de cela très longtemps, n'est-ce pas, on avait des bonhommes qui traînaient les bonnes femmes par les cheveux pour faire des enfants. Il n'y a pas de skidou, fait qu'il traînait la sauvage, hein, traîne sauvage, bon. Maintenant, lorsque le mâle et la femelle s'accouplent, génétiquement, le code génétique du mâle et de la femelle sont mélangés. Et les caractères dominants des deux vont s'automêler. Et les caractères récessifs, s'ils sont similaires, peuvent se transformer en caractères dominants et ça va donner un enfant. Un enfant qui, génétiquement, est un processus amélioratif du père et de la mère. C'est normal. C'est comme ça que ça marche, l'évolution, surtout. Donc, si on crée un enfant, on a normalement un enfant qui va être quelque peu supérieur aux adultes. C'est ce qui a permis à notre évolution sociale, théologique, morale, scientifique, de pouvoir être transmise à travers des biologies qui étaient de plus en plus capables de supporter ces choses-là. Sauf que la majorité de toute éducation, enfin, la transmission de ces choses est faite par le milieu, par le système pédagogique. Mais évidemment, il faut comprendre que si un véhicule, un réceptacle biologique ne peut pas, n'est pas apte à recevoir ce que le milieu veut lui transmettre, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va finir par avoir, évidemment, des personnes qui vont faire partie d'une classe plutôt basse au niveau social et d'une classe plutôt haute. À un moment donné, on a eu la farce du système allégé, régulier et enrichi. Bon, enfin. Alors, ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'aujourd'hui, les adultes, évidemment, les corps physiques, vous savez qu'on a des corps physiques beaucoup plus raffinés que nos ancêtres de v'là 800 ans, ou de même 2000 ans, ou de v'là 30 000 ans. Nos corps se raffinent. Se raffinant, pourquoi? Parce que génétiquement, l'amélioration est transmissible par la génétique. Les enfants qui naissent ont une biologie qui est différente. On va y revenir un peu lors de la deuxième partie de la conférence. Et de toute façon, je vous invite à poser des questions, et quelles que soient les questions sur ce phénomène, il faudra qu'on en parle. On a juste une heure pour en parler et une heure pour répondre aux questions. C'est sûr que c'est un peu court pour parler des enfants. Il faut comprendre que l'enfant ancien et l'enfant nouveau sont biologiquement différents, surtout au niveau endocrinien et au niveau neuronique. Il y en a un qui a besoin de comprendre les choses et l'autre n'a pas besoin de les comprendre. L'enfant ancien va se contenter de l'éducation standard, l'enfant nouveau devra comprendre. Le cadre écologique, ça veut simplement dire que l'enfant nouveau, on doit lui expliquer pourquoi pas mettre d'eau à terre. Il faudra que le pédagogue trouve une raison intelligente. Et ça demande au pédagogue un travail. Mais à un moment donné, le pédagogue finit par changer sa vie aussi parce qu'il se rend compte que la vie est vivante aussi. C'est ça qui est intéressant dans le phénomène. C'est pas de spiritualité que je vous parle là. C'est un phénomène psychologique. C'est psychologique, c'est humain et c'est évidemment très enrichissant pour les deux parties. Et l'enfant et le pédagogue. Pourquoi je ne dois pas crier en classe? Pourquoi je dois lever la main? Bon, pourquoi je dois apprendre telle chose? Pourquoi on se met en rang? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi je ne peux pas coucher ici à soir? Pourquoi c'est la relation clé de l'enfant nouveau? C'est aussi la relation clé de l'enfant ancien si on le laisse suffisamment libre. Sauf que l'enfant ancien va poser la question, pourquoi ma sœur n'est pas comme moi? Le petit gars qui pose ça. Alors, le pédagogue va travailler avec l'enfant ancien d'une façon qui va peut-être différer la question, omnibuler un peu les choses ou tenter de... Bon, l'enfant nouveau, lui, ça sera pas ça. Si c'est pas clair, il va faire ses recherches. Puis s'il a 4 ans, il va faire ses recherches. Il va faire des recherches anatomiques, s'il le faut. Puis des recherches tout à fait dignes d'un gynécologue, s'il le faut. Et il ne se sentira pas frustré de ce phénomène. Il y a une autre chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que si on explique l'intelligence des choses à un enfant nouveau, on va pouvoir travailler pédagogiquement avec lui, pédagogiquement. Ça, il y a une chose extrêmement importante, c'est que la culpabilité ne peut presque pas prendre de place dans l'enfant nouveau. Alors, encore une fois, tout le système, tu devrais avoir honte, tu devrais te sentir à toi. Tout le système de culpabilité qu'on va devoir mettre dessus ne peut pas pogner. Alors, une chose extrêmement importante de comprendre, premièrement, si on veut juste commencer à travailler avec ce genre d'enfant, c'est juste de créer un cadre écologique qui est déjà créé. Une classe scolaire, c'est un cadre écologique. Il y a d'autres enfants, il y a un professeur, il y a une matière, il y a des murs, il y a un ensemble matériel qu'on ne doit pas abîmer, qu'on doit économiser. Il y a toute une structure écologique. Dans une garderie, c'est le même phénomène. Alors, mais est-ce qu'il y a une raison intelligente? Est-ce qu'on soit tous pognés à être limités comme ça? La majorité des adultes finissent par accepter. Ben, dans ma commission scolaire, moi, quand je crie, on me donne ci, on me donne ça. Quand je rencontre les profs, fait que tu finis par accepter. Il y a une écologie. Hein? On peut pas traverser les feux rouges. C'est pas à cause que la loi l'interdit, c'est parce qu'il y a une raison intelligente. Mais au lieu d'éduquer l'enfant que c'est parce qu'il y a une raison intelligente, on lui dit que c'est parce que c'est illégal. Fait que l'enfant nouveau, lui, c'est illégal, ben, illégal, il passe par-dessus, lui. S'il y a une raison intelligente, il le fait, loi ou pas. Donc, on doit immédiatement comprendre que l'enfant nouveau va devenir un peu moins hyperactif si déjà il comprend l'intelligence du cadre dans lequel on le place. Et une chose très importante, c'est que l'enfant nouveau va poser des questions, des pourquoi, et chaque réponse doit être une réponse intelligente. Et quand je parle d'intelligence, elle doit être logique. C'est-à-dire qu'elle doit être logiférable par l'enfant nouveau. C'est-à-dire qu'il doit être capable de prouver que ça s'additionne avec les choses qu'il a vues jusqu'à date. L'enfant ancien finit par être extrêmement perturbé parce qu'à un moment donné, il y a tellement de choses qu'on amène chez lui qu'il n'arrive plus à comprendre le phénomène. Tu sais, tu dois aimer tout le monde. À un moment donné, on va lui dire « aime les autres comme tu t'aimes toi-même ». Bon. Et à un moment donné, ben on lui dit qu'il faut pas qu'il se mette tout nu devant tout le monde. Donc, faut qu'il apprenne à pas s'aimer lui-même. Alors, évidemment, aimer les autres comme je m'aime soi-même. Bon, ben, à un moment donné, on va lui dire, tu dois aimer tes ennemis. Bon, il renverse de l'eau à terre, le professeur vient gueuler. Il comprend plus non plus le phénomène. Il y a toute une panoplie de choses, à un moment donné, qui crée l'homme ancien, qui crée l'homme transitif, qui est un paquet de lutte entre tout ce qu'il a appris. L'enfant nouveau, lui, ne laissera jamais ça pénétrer chez lui. Si on donne une raison intelligente à une chose, une raison spirituelle à une autre, on commencera des problèmes. Une raison émotive, ça marchera plus. Une autre raison intelligente qui contredit la première, il va vous le faire savoir tout de suite. Alors, si on est vivant, ben, on va dire, ouais, c'est vrai, c'est, ouais. Puis on va jaser avec lui, on va travailler avec lui, puis on va trouver d'autres choses. Si on n'est pas vivant, on va dire, non, c'est parce que tu comprends pas. Mais l'enfant nouveau est pas hyperactif. Il va s'asseoir à côté, puis il va être prêt à passer la nuit complète à vouloir comprendre. Et parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne met pas l'énergie, parce que souvent on en a peur, ben, évidemment, il devient hyperactif. Tu sais, il n'y a pas des vers dans le derrière. Il y en a dans la tête. Qui brouille, grouille en maudit. On fait une entraque, une petite pause de 15-20 minutes. Si vous avez des questions, il y a des papiers de l'autre côté. Vous les écrivez dessus. Gênez-vous pas. Et si vous avez des commentaires, gênez-vous pas non plus. Merci beaucoup, Daniel.